Chopin a composé 4 impromptus à différentes périodes de sa vie. Aujourd'hui, nous travaillons le premier en la bémol majeur. Comme vous le voyez, il est en triolet aux deux mains. La grande difficulté est de suivre ce dessin mélodique très élégant sans désynchroniser les deux mains. Le rubato sera donc pareil aux deux mains. Le legato est tout en légèreté extrêmement fin. La pédale est aussi très légère, sans appuyer jusqu'au bout. Certaines notes sont plus appuyées et tenues, comme par exemple les noirs de la main gauche à partir de la mesure 8. Et accentuer les noirs de la main droite à partir de la mesure 15. Avec un petit diminuendo à chaque mesure. Soulignez les écarts de 7e mesure 21. Les notes ne sont pas conjointes, il faut donc ouvrir cet intervalle. Même chose pour les sixtes, à la main droite, mesure 23. Voici un petit exercice pour synchroniser les deux mains. Marquez chaque temps en vous arrêtant, puis accélérez les deux croches restantes de chaque triolet. Bien sûr, ces accents sur les temps ne sont valables que pour l'exercice. Quand vous interprétez, vous devez totalement supprimer ces appuis pour mener le phrasé. L'épisode central est totalement différent au niveau rythmique et mélodique. Le thème est romantique et noble. Il est varié et enrichi à chaque répétition. Par exemple, mesure 45, Chopin rajoute des petites notes pour orner la note longue. même chose mesure 48. Pour ce qui est de la main gauche, évitez de marquer les basses. D'ailleurs, pour une fois, la pédale est mise sur les accords. Forte, mesure 51. Même chose piano. Mesure 61, les quatre noirs se transforment en 13 croches légères que vous pouvez interpréter librement. La première note de chaque tri est prononcée. L'accord arpégé de la main gauche doit être au complet, sans perdre la basse. Pour cela, attrapez la note grave avec la pédale. Attention au doigté de la main droite, mesure 77. Ici. Et voici la reprise. Voyons maintenant la conclusion du morceau en accord à partir de la mesure 115.